Est-ce que tu sais le temps qu'il fera? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais le temps qu'il fera? Il fera beau. Il fera beau. Est-ce que tu sais la tête qu'il fera? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais la tête qu'il fera? Il sera beau. Il sera beau. Est-ce que tu sais comment il sera? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais comment il sera? Il sera chaud. Il sera chaud.